Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 50, enregistré le 20 mai 2019. Et oui, c'est l'épisode 50. J'y crois toujours pas qu'on est arrivé à l'épisode numéro 50. Mais bon, avec les hors-séries, tout ça, on est déjà à plus de 60. Mais bon, voilà, c'est quand même un chiffre important à passer. Donc voilà, je suis très content. En plus, y a une personne que vous n'avez pas écoutée depuis très longtemps dans ce podcast. Je pense que les anciens fans du podcast vont reconnaître. Non mais oui, je vais te présenter au tout début parce que c'est quand même un événement. Je te présente même avant moi-même, tu vois. Donc c'est, oh là là. C'est un truc. C'est privilégié. Non mais les gens me connaissent. Donc du coup, Quentin. Retour dans le podcast, salut. Oui, oui. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas? Super, ouais, c'était 3 ans, je crois que j'avais pas participé au podcast. C'est à peu près, ouais, il me semble que le dernier c'était en 2015 ou 2016. Ah ouais, la vache, ouais. On parlait de Avengers Age of Ultron. Oui, on l'avait bien saqué. Oui, il y avait Jurassic World, tout ça. Oui, voilà, c'est ça vrai. Aussi. Ah oui, exactement. Exactement. Donc voilà, pour ceux qui ont pris le train en route dans les podcasts Movies Nerd, Quentin, c'était un des présentateurs avec Eddie qui a repris le podcast avec moi en août 2014, il me semble. Voilà. Pour les gardiens de la galaxie. Exactement. Et on finit la saga Marvel ensemble, c'est bien. Ouais. C'est beau. C'est beau. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, au moins vous savez que Quentin est de retour. Voilà. Yes. Je vais représenter mes côtes que vous connaissez peut-être un peu plus si vous êtes fervent auditeur de l'émission ces dernières années. En commençant avec Morgan, puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu ici. Salut Morgan. Salut. Comment tu vas? Ça va super, je suis content de revenir. Je trouvais que l'émission perdait un peu en qualité et je trouve que mon retour était... Genre tu les as même pas écoutés, je suis sûr. Non, j'étais pas dedans, donc je vois pas l'intérêt. Non, mais tous mes fans commençaient à s'inquiéter, tout, j'étais harcelé de messages et tout. Ils me disent, Morgan, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Donc non, forcément, je reviens pour eux, quoi. Non, mais voilà. Voilà, on a reçu tellement de messages, aucun, mais c'est pas grave. J'ai eu des appels, des personnes nous appellent aussi. Qui voulaient se suicider parce que j'étais plus là. Enfin voilà, je reviens pour eux, voilà, vous inquiétez pas. Exactement. Non, mais parfait. Voilà. Et on est très content de te retrouver pour l'épisode numéro 50. Et ensuite, du coup, Eddie, mais désolé, je te présente en dernier, mais bon. C'est le vieux tonton. Le tonton, le vieux briscard. Merci. C'est sympa. On commence tout de suite. Ça va? Oui, ça va. Super. Du coup, j'ai même pas dit qu'on. Du coup, on va parler. Des films qu'on a vus durant le mois d'avril. Je sais, on est en retard, etc. Moi, personnellement, je suis en plein déménagement, etc. Donc, c'est un peu galère pour trouver des dates disponibles pour enregistrer les podcasts. Mais voilà, ça devrait être bientôt fini. On va faire le sommaire de cette émission. On va avoir un film du mois où on va parler de Avengers Endgame. C'est quoi? C'est la fin de la phase 3 Marvel. C'est Spider-Man. Non. C'est les belles fesses de Tom Holland qui vont conclure la phase 3. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est un peu. C'est pour conclure en légèreté, quoi. Je sais pas, finalement. Il sera très bien, le Spider-Man. Sera très bien. Ouais. Mais donc, du coup, Avengers Endgame, un Avengers important, puisque c'est la suite d'Infinity War qui s'est sortie l'année dernière. Voilà. Et du coup, pour la Selec, je crois que je serai un peu tout seul à parler de Monsieur Link. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Zelda. Voilà, mais de toute façon. Oui, super. Mais de toute façon, on va faire un gros morceau sur Avengers Endgame. Donc voilà, moi, j'aurais pas grand chose à dire, sauf que j'ai adoré ce film et que c'est peut-être un de mes préférés de cette année déjà. Ah bon? Ouais. Ensuite, on aura une minute nerd pour finir de Morgan, celle qu'on attend depuis décembre, il me semble. Mais bon, problème d'ordinateur, problème machin de planning, etc. On fait que tu ne pouvais pas venir avant. Et ben voilà, du coup, plutôt problème d'ordinateur. Pour le numéro 50. Oui. Maintenant, j'ai à peu près, j'ai dit tout ce qu'il fallait, et bah, du coup, on va passer tout de suite à la sélection. C'est parti. On est à la rubrique La Sélec, et du coup, bah, c'est que moi et Eddy qui vont parler. On vous la fait pas à l'envers, hein. on enregistre ça après tout le podcast, parce que Quentin et Morgane devaient partir, donc voilà. Comme ça, vous ne vous dites pas ah bah, pourquoi Morgane il parle pas, pourquoi Quentin il parle pas. Ils sont plus là, c'est normal. On est juste nous deux avec Eddy, et on va parler de films d'animation. Tout va bien. Voilà. On va parler de films d'animation, donc tout va bien. Dire, oui, voilà. Bah oui. On a un peu l'habitude. Donc moi je vais commencer du coup en vous parlant de Monsieur Link, un film d'animation par les studios Laika, donc studio américain, réalisé du coup le film et scénarisé par Chris Butler, et qui est sorti en France le 17 avril 2019, donc un jour avant mon anniversaire. Youhou. Au niveau des voix françaises, parce que je l'ai vu... D'ailleurs, je te l'ai souhaité ton anniversaire. Oui, tu me l'as souhaité. Ah, j'ai cru que j'avais oublié. Non, il n'y a pas de souci. Désolé. Très bien, merci encore. Non, mais j'ai eu un gros doute, en fait, là. Non, mais du coup, au niveau voix française, parce que moi, je l'ai vu en français, on a Eric Judor en Monsieur Link, Thierry Lhermitte en Lionel Frost, du coup, l'humain qui l'accompagne, et Daniela Labbé Cabrera en Adelina Fortnite. Mais au niveau casting VO, on a quand même du gros calibre aussi. Hein. Zach Galifianakis, Hugh Jackman, Zoe Saldana, Stephen Fry, etc. Enfin, voilà. Oui, il y a du monde. Il y a du beau monde. Voilà. Et puis Laika, c'est clairement un studio que moi, personnellement, j'apprécie énormément. Même si je n'avais pas été non plus très, très enchanté par Kubo. C'est vrai. Mais il faudrait peut-être que je le revoie, parce que voilà, j'ai peut-être. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment. Ouais. Un beau non, film, mais c'était un beau film. Hein. C'est juste que je l'attendais tellement que je crois que j'étais un peu déçu en le voyant, mais je l'ai pas revu depuis, donc voilà. Monsieur Link, c'est le nouveau film de ses studios. Ça parle de Sir Lionel Frost, un gentleman anglais, du coup, qui essaye de rejoindre un club d'aventuriers. Qui est à Londres, du coup, un club d'aventuriers et d'explorateurs qui est là depuis plusieurs générations, en fait. Et lui, il veut rejoindre parce que toute sa vie, il a voulu être un aventurier, un explorateur. Il veut faire partie de ce club, en fait. Et au début du film, c'est pas un spoiler, puisqu'on le voit en train d'essayer de capturer une photo de Nessie, donc Loch Ness. D'ailleurs, on le voit dans le film, le monstre du Loch Ness, mais il n'arrive pas, voilà. Et finalement, à son retour à Londres, après s'être fait encore éjecter de ce club pour on ne sait plus combien de fois, il reçoit une lettre lui proposant de rencontrer un Sasquatch, donc le Bigfoot, comme vous voulez. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc, c'est ce Monsieur Link, le Sasquatch, et du coup, il va passer un pari avec Lord Pigott Dunseb, qui est le patron de ce club, que s'il ramène la preuve de l'existence du Sasquatch, il sera admis au club, alors que le Lord dit que c'est pas possible puisque ça n'existe pas, etc. Enfin voilà. Donc il va se rendre en Alaska, où il rencontre l'auteur de la lettre, et l'auteur de la lettre, c'était le Sasquatch en question, qui était Monsieur Link. Je vous raconte pas, enfin c'est pas un spoiler puisque c'est les 15 premières minutes du film, voilà. Et là, à partir de là, il va se passer des choses que je vais pas raconter puisque ça deviendrait spoiler. Ils vont se retrouver ensemble dans une aventure où ils doivent aller quelque part. Je vais pas détailler plus. Ce qui marque le plus avec ce film, déjà, c'est Laika, c'est magnifique, quoi. C'est tellement beau. En plus, à la fin, on a le droit, pendant la scène générique, à on voit comment ils ont fait une scène phare du film. En slow-mo, etc. Enfin, on les voit accélérer, puisque comme ils doivent faire mouvement par mouvement, c'est ça prend très longtemps. Donc on, oui, mais voilà. C'est un travail d'orfèvre. Voilà, c'est ça. Hein. On voit juste les humains passer très très vite et on voit le truc bouger, comme par magie, quoi. Donc c'est un travail d'orfèvre justement parce que ça mélange la stop motion traditionnelle avec des techniques d'animation 3D pour certains décors, etc. Bon, certains décors sont aussi en vrai. Mais on voit qu'il y a des fonds verts sur certains trucs, etc. Mais c'est quand même super joli. Et on fait pas la différence durant le film qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est en stop motion ou pas. Mais en tout cas, ça se sent aussi au niveau des animations des personnages que c'est vraiment de la stop motion. Et c'est de la bonne stop motion, c'est bien fait, quoi. C'est du niveau c'est Gromit ou des choses comme ça. J'ai oublié le nom du studio, bien sûr, alors que j'aime beaucoup. Le nom du studio anglais qui fait Wallace et Gromit, mais j'arrive plus à me souvenir, c'est pas grave. Aardman. Aardman, voilà. Pour moi, Laika et Aardman, c'est un peu vraiment ce qui se fait de mieux en stop motion actuellement. Clairement, oui. Hein. Voilà, il y a personne qui peut les toucher. Hein, donc voilà. Le film est aussi. Au-delà de l'aspect technique qui est très impressionnant, on s'y fait au bout d'un moment, mais la réalisation est superbe en fait, puisqu'ils peuvent se permettre un peu tout avec la caméra, ils peuvent bouger librement dans les décors et du coup on a des scènes vraiment épiques d'action, etc., d'aventure, dignes d'un Indiana Jones, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est vraiment bien réalisé, bien fait. C'est aussi très drôle. Alors moi, oui, je l'ai vu en VF et bon, j'avoue, j'aime beaucoup Eric Judor, hein, et Thierry Lhermitte. Hein. Je trouve que leur duo fonctionne à la merveille en fait. Et Monsieur Link, c'est un peu cette bête qui était égarée, qui est un peu bête, mais qui se fait au monde des hommes, etc. Et Lionel Frost, du coup, cet humain qui doit l'accompagner quelque part, Il est très intéressant psychologiquement comme personnage parce que on sent qu'il tient il tient quand même émotionnellement à Monsieur Link, mais en même temps on sent qu'il le fait aussi pour sa propre gloire et la reconnaissance, etc. Et c'est là que viendra intervenir le personnage féminin, du coup Adelina Fortnite, qui est un peu le love interest du personnage, même si c'est un peu plus intéressant que ça. C'est pas juste elle est là pour être la fille, voilà, tout simplement. C'est plus compliqué que ça et c'est plus intéressant. Voilà, en tout cas, l'humour fonctionne à merveille, je trouve. Et les voix françaises sont géniales. Moi, j'ai beaucoup aimé les interactions entre Eric Judor et Thierry Lhermitte. Ça fonctionne à merveille, c'est très crédible, en fait. Et voilà, donc moi, personnellement, j'ai pas envie de trop en dévoiler parce que le problème aussi de ce film, il y a quelques petits soucis, genre le méchant est pas, il est pas aussi intéressant que la relation entre Monsieur Link et Lionel Frost. Je trouve que il est un peu. Parce que dans Kubo, c'était le point fort du film, justement. Ouais, voilà, ça, c'est hein. c'est ça. Le méchant, c'était très. C'était très couillu. Voilà, je trouve, comme oui, c'est vrai. Là, le méchant, il est un peu plus classique. On s'y attend un peu plus. C'est un peu méchant parce qu'il est méchant. C'est bien parce qu'on s'attarde un peu plus sur la relation Monsieur Link Lionel Frost, qui pour moi est plus intéressante, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort quand même pour nous faire un méchant digne de ce nom, et du coup le film aurait été vraiment génial, quoi. Il aurait quasiment pas eu de défaut parce que le film dure 1h34, moi quand c'était fini. Ah oui, c'est très court, ouais. Mais quand c'était fini, je me suis dit, mais ça vient à peine de commencer, quoi. Donc c'est vraiment. J'avais l'impression que ça faisait que 30 minutes que j'étais assis dans la salle. J'étais vraiment porté dans le film. L'animation, etc., en joue beaucoup là-dessus. Mais c'est aussi le scénario qui est vraiment prenant aussi, la relation entre les deux personnages qui évolue au fil du film et qui je trouve très très très intéressante à suivre, voilà. je vais pas spoiler le film, c'est dommage parce qu'il y a des trucs intéressants à dire sur la fin, etc. Qu'est-ce que ça peut jouer, est-ce qu'il peut y avoir une suite, etc. Ça, c'est à voir. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Ça, ça amène vers ça. Enfin, ça amène, le film amène la possibilité d'une suite. Mais après, Laika n'a jamais fait de suite. Donc, je sais pas si. Et puis, en plus, le film, j'ai pas l'impression qu'il ait fonctionné beaucoup, beaucoup. Malheureusement, il n'a pas été très bien distribué en France. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Donc, s'il passe encore, parce que chez moi, il passe encore, ruez-vous dessus, franchement. Parce que c'est. La promo n'a vraiment pas aidé le film, je trouve. Oui, ça c'est vrai. J'ai vu la bande-annonce, voilà. Elle ne vendait pas très bien. La bande-annonce ne vend vraiment pas bien le film. Moi, je suis ressorti complètement enchanté de ce film. Et c'était, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année déjà. Donc voilà. D'accord. Franchement, il sera sûrement dans mon top. Voilà. Je le reverrai peut-être avant de confirmer ça, mais en tout cas, voilà, j'ai passé un excellent moment et je vous le conseille à tous. Si vous êtes fan d'animation, en plus, c'est vraiment un film à voir, quoi. C'est super. Voilà. Du coup, Eddy, toi, tu veux, tu en as, enfin, j'allais dire, tu en as parlé, mais on n'a pas encore passé au film du mois, donc t'en parleras dans la rubrique du film du mois. On est déjà dans Spider-Man. Voilà, c'est ça. On est dans le champ quantique. Voilà, c'est ça. On est dans le futur passé présent. On ne sait plus quoi, quoi on donnait. On se le fait à la X-Men. Voilà, c'est ça. Du coup, toi, t'as pu rattraper ce mois-ci Spider-Man New Generation. C'est film ça. Que j'avais mis en top 1 de mon top l'année dernière. Effectivement. Voilà, j'avais beaucoup apprécié. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? D'ailleurs, ta critique sur le site. Hein, voilà, juste au cas où. Ah bon? Non, t'as ta critique sur le site? Ah non, attends. Je crois que je l'ai fait sur Sens Critique. Sur Sens Critique. Mais ouais. Après, je peux le rajouter non, sur le site. Non, mais au cas où, voilà, elle est sur Sens Critique. Ceux qui me suivent sur Sens Critique, non, normalement, c'est la dernière parce que j'ai pas une cadence de films très importante en ce moment. Tu l'as pas mis sur Movie Nerd. Oui, il me semblait. Oui, parce que je trouvais que ça faisait trop éloigné. Oui, non. Coup, non donc, c'est moi qui me suis trompé. C'est parce que je l'ai lu sur Sens Critique. Et voilà, bon, bref. C'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris mon pied, clairement, c'était tellement cool, en fait. Ouais. Et alors, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, pas l'animation, hein, l'animation, ouais. J'adore, c'est tout, c'est tout à fait ce que j'aime voir, en fait, ça change, et c'est super cool, enfin, c'est bourré de références aux comics, à la manière de lire un comics, surtout, ouais. C'est ça que j'ai aimé dans la mise en scène. Ça fonctionne très bien. Puis, non, enfin, c'est vraiment innovateur, hein. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Ah oui, c'est ça. C'est complètement nouveau et puis ça va se démocratiser, c'est sûr. Il y en a qui vont retenter le truc, c'est évident. Ouais. D'autant plus qu'il a eu un Oscar. Donc, oui, voilà. Et qui était mérité pour le coup. Oui, c'est vrai. Après, non, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début parce que c'est vrai que quand t'as jamais lu les comics, que t'es pas au fait de tout ce qui est univers parallèle, étendu, sur un même héros pour le coup, c'est pas évident. Donc après, ça va, mais c'est vrai qu'il faut se mettre dedans au début. Ouais. Et pourtant, le film avait plein de bonnes intentions de ce côté-là et essaie vraiment de faire en sorte qu'on ne perde pas le fil, même pour les néophytes, du coup. Ouais, c'est vrai. Donc ça fonctionne bien et c'est surtout que c'est très beau, c'est super drôle et il y a de l'émotion aussi. Ouais. Et fonctionne. Je trouve qu'en termes de... Oui. Ouais. Et je trouve qu'en termes de scénario, on est à la fois sur de l'origin story, mais en même temps, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir des autres Spider-Man. Mmh. Et des autres films de super-héros tout court aussi. Hein. Et des autres films de super-héros. Et aussi, en termes d'enjeux, je trouve que ça se mêle bien avec tout ce qui tient de tout le côté dramatique aussi du film. Mmh, mmh. Notamment la relation avec son oncle et son père, tout ce que ça va amener après... Donc je trouve que c'est très surprenant et vraiment c'est rafraîchissant ça fait du bien, ça fait vraiment du bien quoi. ouais Je l'ai vraiment vécu ben, un peu comme la grande aventure Lego, quoi, Ouais, en fait. ouais clairement. Et c'était clairement le même genre De sensation. de truc complètement nouveau, complètement fou, comme ça, décalé, et puis en même temps très drôle, coloré. Enfin, c'est sombre, et en même temps, il y a un côté très pop et tout. Enfin, je trouvais ça vraiment génial. Ouais. Enfin, je suis resté. J'étais à fond dedans, quoi. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment pris mon pied. Ouais, non, non, mais c'est franchement, si vous l'avez toujours pas vu, ruez-vous dessus, quoi. Si, Ah oui, c'est un film à rattraper. Si vous aimez Spider-Man, ouais, ah ouais, non, mais enfin, c'est que vous aimiez les comics, que vous ayez aimé les autres les... films, et même que vous n'ayez pas aimé, j'ai envie de dire, ouais. parce que moi, j'ai pas forcément apprécié le premier film de Mark Webb, et j'ai même pas vu le deuxième. Oui, ouais, c'est pareil. Ben, j'ai pas, enfin, j'avais trouvé le premier assez plan-plan, et du coup, ça empêche pas du tout, quoi. Ouais. D'autant plus que pour le coup, il y a une version de Spider-Man. Qui est assez proche de celle d'Andrew Garfield. Oui, c'est vrai. Donc c'est comme quoi ça gêne pas quoi. Ouais, et Voilà. enfin. Et le Spider cochon et tout. Ouais, enfin, voilà, l'humour, il C'est fonctionne drôle quoi. tellement bien, quoi. C'est vraiment. Ouais. Ouais, Spider cochon, Penny, je sais plus comment elle s'appelle. la version manga La animée, version manga, ouais, le Dark Spider-Man, ça c'est génial. Enfin, j'adorerais voir ça. ça, Un ouais, Spider-Man qui enquête. c'est Spider-Man noir qui était sorti, du coup, c'est un arc français d'ailleurs, qui avait été scénarisé Ouais. par des Français. Il y a eu Ouais. X-Men noir aussi. Ah ouais, ça doit être C'était une génial série à de lire. comics qui était sortie dans les années début 2010, il me semble, et D'accord, ok. qui se passe justement dans l'univers des Et qui années du coup, 20. ça n'a rien à voir avec le Dark Spider-Man qu'on voit bah avec le symbiote du Oui, non, Venom non, et tout, non, quoi. C'est rien, c'est c'est pas du vraiment tout, un, c'est complètement ouais, autre voilà, c'est un chose. Spider-Man qui fait des enquêtes comme un policier, quoi. C'est Ça m'a plus voilà. rappelé un peu Oui, Watchmen, voilà, c'est dans le même style. exactement, exactement, voilà. Et enfin, ouais, moi, je. Et puis bah, Miles Morales, quoi, qui est hyper attachant comme héros. Ouais. C'est vraiment moi je Et puis l'attendais qui est depuis. super cool, quoi, qui fait du graph et tout, enfin, c'est Ouais. chouette. C'était vraiment. J'aime les musiques aussi, Ouais. la bande son, l'ambiance, enfin, tout La fonctionne bien. ouais. Puis Gwen Stacy. Aussi, c'est Donc, vrai. Enfin, ouais, non, non, ce film, il est ouais, moi je le trouve génial. Ouais, c'est un film mutant, quoi. Il y a de tout. En fait, ouais, c'est vraiment C'est le pas film. évident de le résumer C'est tellement ça. c'est fou, quoi. Et c'est la troisième fois que j'en parle dans le podcast. On dirait que j'ai des actions dedans, mais Ben non, mais non, non, mais c'est vraiment, enfin, clairement, j'avais pas pris un pied devant un film de super-héros comme ça depuis, ben, je sais pas, des années. Peut-être X-Men First Class. Voilà, c'est vraiment Ouais. parce que X-Men First Class, ça se sentait, c'était vraiment rafraîchissant, je trouve, par rapport aux X-Men qu'on Oh avait ben eu c'était un avant, film de etc. fan, hein, Voilà, c'est clairement. ça. Et puis, ben, c'était un film de fan, mais pas à la Star Wars 7, quoi. Oui. C'était un film de fan qui faisait avancer le schmilblick, C'est quoi. ça. Ouais. Ok, bah très bien. Et j'aime bien Star Wars 7. Ouais. Tu plantes des petits couteaux à chaque fois. Oui, mais j'aime bien Star Wars Ouais. 7. J'ai toujours beaucoup de Non, plaisir à le revoir. je l'ai pas revu depuis le ciné, hein, tu vois. Donc, Oui, mais moi j'aime bien. faudrait peut-être que je le revoie. Donc voilà, on vous conseille Spider-Man New Generation. Voilà, ruez-vous dessus. De toute façon, le Blu-ray est sorti. Donc voilà. Et ben du coup, vous allez retrouver de nouveau Quentin et Morgan avec nous pour parler ben, de Avengers Endgame dans le film du mois. C'est parti. On est donc à la rubrique du film du mois, rubrique très attendue, hein, puisqu'on va parler de Avengers Endgame. On prévient tout de suite qu'il va y avoir des spoilers parce que de toute façon vous avez eu le temps de voir le film, je pense, d'ici à ce que le podcast soit publié. Et si le film vous intéressait, je pense que vous avez eu le temps d'aller le voir au cinéma, vu que c'est un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma. Bah ça y est, il a devancé Déjà, Titanic et Avatar. voilà. C'est le plus Avatar, gros pardon. carton, non? Peut-être, je sais pas encore. En tout cas, voilà, c'est 22e film de l'univers cinématographique Marvel qui conclut déjà ce double film qui était coupé avec Infinity War, c'est la deuxième partie du Endgame. Et c'est réalisé toujours par les frères Rousseau. Il est sorti en France, alors attendez, parce que je suis en train Le 24. Le 24 avril 2019, et aux États-Unis le 26 avril 2019. Il a déjà rapporté. Anthony et Joe Russo, oh là là, je m'y perds. Et du coup, je vais pas vous faire le casting parce que c'est trop long. Douanier Russo. Et parce qu'il y a tout, monde, quoi. Voilà. C'est Tom Holland. Il a battu Titanic. Voilà, c'est ça. Il a battu Titanic. Et, si vous et voulez Avatar voir, aujourd'hui. Il y a tous les personnages de qui ont jamais, enfin quasiment tous les personnages qui ont été présentés durant ces 21 films précédents de l'univers Marvel qui se retrouvent dans ce film. Donc voilà, ça fait un sacré paquet de monde. Alors du coup, déjà je voudrais savoir, est-ce que vous l'attendiez ce film? Et moi j'aimerais savoir aussi que, enfin rapidement, puisque Quentin t'étais pas là pour quand on a parlé d'Infinity War, ce que t'avais pensé d'Infinity War, est-ce que t'attendais ce Endgame du coup? Alors oui, je trouvais que j'avais beaucoup aimé Infinity War. C'était un peu le premier film dans lequel on voyait nos héros perdre. Enfin c'était ouais. Voir Thanos à la fin s'asseoir avec un petit sourire, c'était assez satisfaisant, parce que quelque part ça change. Mais maintenant, je trouve qu'il y avait quand même. Enfin, j'avais une attente, j'attendais sans l'attendre en fait, parce que moi à l'époque, je me rappelle à l'époque d'Infinity War, je pensais que ce serait Infinity War qui allait conclure en fait. Du coup, je m'étais dit. Pareil pour moi. Ça faisait un peu genre, vous allez devoir revenir l'année prochaine. Enfin, c'était un petit peu. Ouais, ça faisait un peu Hobbit 3, quoi. C'est ça, c'était un petit peu. Là aussi, il y avait aussi. Putain. Les gens qui ont été tristes à la fin de l'histoire, bon, voilà, on savait tous ce qui allait se passer dans Avengers Endgame. Enfin, je trouvais que c'était un peu anticlimatique, il n'y avait pas de. Ouais, je trouve que l'émotion fonctionnait pas. Hein. Bah, du coup, non, parce qu'on savait évidemment, Black Panther qui vient d'arriver dans le MCU, Spider-Man, voilà, on sait très bien ce qui allait se passer. Donc, à l'inverse, que dans Endgame, là, maintenant, les enjeux sont beaucoup plus. On savait que là, on flippait vraiment pour les personnages, du coup, je pense. Et, sauf pour Spider-Man, du coup. Oui, du coup, dans le cas présent, oui, du coup, oui. Quoique, il y avait toujours ce truc qui s'est passé dans le passé, voilà. Mais pas touché à Tom Holland. Mais maintenant, on est sûr de. Sans trop spoiler. Enfin, je sais pas si du coup on peut slasher niveau spoil ou. Oui, vas-y, hein, dès le début. Oh, bah oui, et tout le monde l'a vu. Ouais, je pense, bah du coup, maintenant, avec les trailers qu'on a pu voir de Far From Home, c'est vrai que c'est de quoi en découdre, donc. Je pense avoir préféré. Je pense avoir préféré Infinity War en termes de construction, en termes de. Parce que c'est vrai que Endgame est un film fleuve, voilà, bon, ils en ont tellement plein la vue que c'est impossible de pas prendre un peu de plaisir devant, mais ça reste quand même très. Ouais, je sais pas. T'as peut-être des longueurs à certains moments, tu vois. Ouais, aussi, oui, c'est vrai que j'ai mis 9 sur 10, hein, j'ai adoré, enfin, j'ai kiffé, voilà, j'ai mis mon cerveau de côté et j'ai kiffé le truc, tu vois. C'est. Quand tu regardes, après, j'ai revu une deuxième fois, c'est vrai que tous les passages, les retours dans le temps, tout ça, c'est un peu brouillon, un peu brouillon. Et donc... D'accord. Oui, j'ai pas trouvé ça long, justement. Ouais, moi, c'est la critique que j'ai préférée. Pas long, mais nébuleux, on va dire. C'est vraiment c'est dans le dernier acte que j'ai commencé, quoi. D'accord, oui, je vois. Ouais. Donc, Eddie, toi, est-ce que tu attendais du Endgame? Bah, quand même, oui. Ouais. Quand même, parce que bah, c'est quand même 10 ans de franchise qui se termine. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, d'une partie d'une franchise, parce que c'est pas fini. Oui, non, très loin mais, de là. Enfin, c'est 10 ans, c'est un arc narratif de 10 ans quand même qui se termine. Ça, c'est sûr. Puis j'avais bien aimé celui d'avant. Mais après, j'avais bien aimé, mais en salle, j'avais trouvé ça pas mal. Et en le revoyant, j'avais préféré quand même. Mmh. Et du coup, Endgame, il y avait quand même beaucoup plus d'attentes, je pense, sur ce film-là que sur celui d'avant, parce que celui d'avant, on se doutait un peu de ce qui allait se passer quand même. Mmh. Et là, tout était possible, en fait. Même si on se doutait bien qu'il y aurait le côté passage de flambeau et beaucoup de. Et on se doutait aussi de quel personnage allait survivre et ceux qui potentiellement pouvaient disparaître. Ouais. Même si de ce côté-là, il y a quand même eu une ou deux surprises, je trouve. Oui. Ouais. Natasha Romanoff. Oui, parce qu'on attend un film sur elle d'ailleurs la prochaine. Donc voilà, a priori, ce sera un film. Un préquel, hein. Qui se passera peut-être en Russie, justement sur sa. Enfin, je pense que. Sa formation, sa formation, tout ça. Un univers. parallèle. C'est officiel, oui. Ça, le projet le, oui. Black Mirror, oui, c'est ça. Ah, je pensais que ça avait... D'accord. Je pensais que, vu la fin, oui, je me suis dit, mais oui, c'est la question que je m'étais posée, en fait. Mm-hmm. Ouais. Enfin, ouais, d'ailleurs, moi, j'ai eu un... Enfin, je trouve ça un peu... C'est un peu dommage pour un enfin le personnage n'était pas déjà trop exploité dans l'univers de le finir comme ça, c'est pas non. Ce que je trouve scandaleux, c'est quand même avoir tout un hommage énorme pour un personnage comme Tony Stark et puis rien du tout pour elle alors qu'ils ont fait le même sacrifice en quelque sorte. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. C'est complètement, je comprends pas pourquoi faire un enterrement double, ça aurait été bien un hommage double, je sais pas, genre mais non, rien, rien du tout. Ah oui, merci. C'est vrai ça. Bah voilà, sexisme encore. Ouais, non, mais ça correspond au traitement du personnage dans toute la saga, en fait. Elle est complètement. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'elle est un peu effacée. Hein. Je trouve ça dommage. Elle a toujours été effacée. Hein. Non, on voit que d'ailleurs, Jeremy Renner, donc le Hawkeye, ouais. Il a un rôle plus important dans ce film, quand même. Mm-hmm. Un petit peu, quand même, par rapport aux autres. Donc, sa coupe de cheveux immonde, là. Pendant toute la scène, j'étais en mode non, toi, mais oui, il a quand même un rôle un tout petit peu plus important que dans les autres films. Oui. Alors, je vois pas pourquoi ils ont fait ça avec Natasha Romanoff, Black Widow. C'est un peu dommage, je trouve. Mm-hmm. Morgan, toi. Alors qu'il est, ouais. Il est carrément pas intéressant. Non, absolument pas. Oui, ouais, on voit. Enfin, d'ailleurs, le film après le générique, il me semble, on commence direct avec lui, ou alors c'est avant le générique, on commence direct avec lui. Avant, il coupe du bois, sa famille elle rigole, tout ça dans les champs. Il entraîne sa fille au tir à l'arc. Oui, voilà, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, je coupe du bois, c'est dans Avengers le 4, il me semble. Oui. C'est ça. Ça m'est resté marqué. mais du coup, Morgan, toi, tu attendais Endgame par rapport à Infinity War Bah oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de promesses. Moi, Infinity War, je l'avais bien aimé, mais j'avais eu un problème avec la fin, parce qu'en voyant le film, je me suis dit, mais je ne peux pas être touché, parce que je sais très bien que ce qu'on me montre à la fin, c'est des émotions totalement artificielles. Ouais, c'est exactement ça. Suspense. C'est du faux suspense. Après, il y avait la manipulation émotionnelle. Voilà, il y avait. Enfin, ça sert à rien de nous faire croire que ces personnages-là sont morts. On le sait que non, ils peuvent pas mourir, en tout cas dans ce film-là. Mm-hmm. Et mais à côté de ça, il y avait il y avait quelques surprises, des bonnes surprises. Hein, Thanos quand même, qui est un beau personnage. Ouais. Mais voilà, j'avais hâte de voir comment ils allaient continuer et achever le truc. Moi, je vais le dire tout de suite, le film m'a quand même pas mal déplu. J'ai largement préféré Infinity War et je suis pas très fan, mais on va en parler après. Donc. Ok, très bien. Mais ça reste quand même 10 ans de notre vie, quoi. 10 ans de notre vie, enfin, c'est... Et puis, ce côté un peu... ce que j'aime bien chez Marvel, malgré tout, c'est que c'est quand même très... c'est très populaire dans la mesure où, dans la salle où je l'ai vu, enfin, je sais pas vous, mais il y avait vraiment tous les âges. Je trouvais ça beau, en fait. Ouais. Il y avait des personnes qui avaient peut-être 10 ans à la sortie d'Iron Man 1, il y en a qui en avaient déjà 20, enfin c'est quand même assez beau, je trouve. Ouais, il y en a qui n'étaient pas nés. C'est mais du coup, ouais, moi personnellement, c'est pas un secret, j'arrête pas de le dire dans les podcasts depuis un certain moment, c'est que j'étais un peu tombé du train Marvel. Ça m'ennuyait comme pas Becky mal. Comme Becky dans Captain America 1. Hein, voilà, exactement. Parfait. La bonne référence. non, mais oui, du coup, le dernier que j'avais vu en salle, c'était Homecoming, il me semble. Mm-hmm. Magnifique. Ah oui. Ouais, ouais, bah, oui, j'ai pas vu Black Panther. Oh là là. Mais c'est pourtant pas faute de te l'avoir commenté. Oui, non, mais je sais. Je sais. J'étais vraiment. Pour moi, c'était toujours les mêmes films et j'en avais un peu marre d'être servi un peu la même soupe. Du coup, et Infinity War était dans mon flop d'ailleurs. Ah oui, c'est ah ouais. Oui, non mais. C'est un plus. Ouais, mais c'est parce que c'est juste parce que c'est pas un mauvais film. Objectivement, c'est pas un mauvais film. C'était vraiment subjectif. C'est que j'en avais. Voilà, je m'étais fait chier. J'en avais marre et je savais justement. Et le truc qui m'a le plus embêté avec ce film, c'est justement cette manipulation émotionnelle du spectateur. En nous faisant croire qu'il fallait avoir des émotions alors qu'on savait très bien qu'il y allait avoir un film suivant, donc on voyait pas, enfin moi je voyais pas l'intérêt de faire ça et je trouvais ça un peu dommage. Mais sur la réaction des personnages à ce moment là par exemple, j'ai regardé juste avant de voir Endgame, j'ai revu la fameuse scène où Parker dit, manifeste sa peur de mourir, même si on sait qu'il n'est pas vraiment mort, enfin qu'on le retrouvera dans le film suivant. Sur l'instant présent même, j'ai trouvé ça très beau, très fort comme ça. Grâce au talent de, enfin, au jeu de Tom Holland, parce que clairement, là, c'était improvisé d'ailleurs cette scène. Il devait pas se passer comme ça, il devait disparaître d'une manière comme les autres. Ouais, et c'est Tom Holland qui a improvisé le truc, et donc ils ont gardé ça, quoi. Oui, oui, ouais. Il le joue vachement bien. Ouais. Sur l'instant présent, au niveau des personnages, je trouvais que quand même c'était assez fort. Puis même, il y avait plein de trucs qui marchaient, quoi. Il y a une de mes répliques cultes qui est dans Infinity War. Pourquoi Gamora? Mais ouais, cette réplique-là, il se passe pas une journée sans que je me la dise, quoi. Non, il y avait quand même des moments. Mais non, mais j'adore. Ouais. Par contre, je trouve que voilà, dans Endgame, le souci, c'est les personnages, justement. Mais on va en parler encore après. Ouais, et du coup, j'y allais avec aucune attente. Et je suis ressorti plutôt satisfait, en fait, parce que, bon, déjà, ça faisait un moment que j'avais pas vu un Marvel, alors c'est sûrement que j'avais un peu... Enfin, c'est pas que j'ai oublié la formule, parce que je la connais au bout d'un moment, mais c'est juste que, je sais pas, je me suis pris un peu dans l'histoire, et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, et c'est en fait, c'est un truc que j'apprécie, par exemple, Retour vers le futur 2, il utilise ce système aussi, c'est le retour dans le temps où tu repasses dans des films que t'as déjà vus, et tu vois... Oui, ça permet de plus rendre un peu meilleur nostalgique. Ouais. Alors même si tu dis du coup Quentin en le voyant une deuxième fois que ça paraît un peu plus nébuleux, ouais, etc. Donc moi je l'ai pas vu deux fois. Nébula. Du coup, oui bien sûr. voilà. Non moi j'ai beaucoup aimé tout ce principe de retourner dans le temps pour chercher les pierres d'infinité. Ça faisait une quête vraiment avec un but précis, etc. Et j'ai beaucoup aimé tout cet aspect du film. Voilà. J'étais un peu moins fan de toute la bataille finale, parce que j'ai toujours un problème, ça fait trop CGI, mais après on peut pas faire autrement, là c'est clair, avec tous les personnages qui doivent présenter, tu peux pas faire sans CGI, c'est obligé, mais je trouve que voilà, c'est un peu trop de la bouillie numérique, c'était obligatoire pour ce genre de scène, et je vais pas reprocher ça à ce film, comme je reprocherai pas ça au Seigneur des Anneaux, Retour du Roi. Voilà, ce serait débile de le faire. Donc voilà, moi le film m'a plutôt surpris et m'a bien. Voilà, je me suis pas ennuyé pendant les 3 heures, je pensais m'ennuyer franchement, et même. Alors. Ce que moi je sais pas si on va en discuter, je pense, mais moi ce qu'ils ont fait de Thor, je suis fan. Ah moi j'adore. Non mais un personnage qu'on a tellement iconisé, le voir aussi bas, et en plus je trouve que le fait de l'avoir eu comme ça dans le Thor 3, où il commençait à raconter des blagues, il commençait à être un peu drôle, etc. Là on continue dans cette optique. Et je trouve génial. Moi, j'adore ce Thor comme ça, qui peut raconter des blagues, et ça paraît crédible, ça paraît pas superficiel. Bah, voilà. Par rapport à ce qu'ils vont faire du personnage. Je trouve que justement, les Russos ont un peu ruiné ce que Taika Waititi avait fait sur Ragnarok, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé un peu le médium entre ce Thor qui fait un peu des blagues, mais qui reste aussi... qui est le dieu de la foudre, qui trouve vraiment ses pouvoirs, qui perd tout, mais... Et il y avait quelque chose qu'ils avaient réussi quand même plutôt à bien gérer dans Infinity War, donc c'était vraiment un personnage tragique, qui avait vraiment tout perdu, et là, c'est tombé malheureusement, et ça aurait pas dû tomber pour moi, je trouve que c'est trop... C'est dommage, en fait, Non, je trouve ça vraiment dommage, parce que ça m'a embêté, en fait, dans un film avec une telle ampleur, avec des tels enjeux, c'est vrai que... plus le côté Fortnite, tout ça, ça m'a... Ah oui, non, ouais, c'est clair. C'est clair, mais non. Mais c'est, oui, ça, mais je peux comprendre, que ce soit apprécié, moi je comprends aussi que le fait que ça dédramatise complètement un film qui est censé être vraiment un film émotionnel. Mais bon, c'est la carte Marvel, de toute façon, depuis le début, ils ont toujours été comme ça. C'est vrai que c'est pas surprenant. Oui, et ça fonctionnait plus ou moins bien selon les films. Ouais. Hein, ça, c'est pas... Voilà. Du coup, comme il n'y avait pas Peter Quill, Star-Lord, il fallait bien trouver quelqu'un pour faire des blagues. Mais voilà. C'est justement, alors autant ça, c'est mon gros reproche, et je trouve que ça n'avait absolument pas sa place dans un film comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, Endgame, ça devait être vraiment. Devait adopter une posture dramatique extrêmement poussée, et finalement, ça ne l'atteint jamais, quoi. Ouais. Même Infinity War. Tu penses, genre à la Justice League à ce point-là? Non, peut-être pas. Justice League, mais non, mais quelque chose de plus dramatique. Même à la fin, j'ai quand même eu l'impression de voir une gigantesque cour de récré plutôt qu'un. Voilà. Même quand Iron Man meurt, clairement. Quand même, c'est... Non, je suis pas trop d'accord avec toi. Quand voilà, moi je trouve quand même qu'ils ont trop, enfin ils ont quand même toujours axé ça sur le côté ton léger. J'ai jamais ressenti peu de. Non. Voilà. Par contre, je trouve que ce qu'ils ont fait de Thor, bon, je trouve ça limite honteux, mais par rapport à ce qui va advenir du personnage, c'est cohérent puisqu'il rejoint les Gardiens de la Galaxie. Donc finalement, bon bah ça va, voilà, ça va, non, ça bah va ouais, adopter un peu le ton moi, des Gardiens de la Galaxie. Galaxie 3, oui. Moi, je suis trop content. Hein. Oui, d'ailleurs James Gunn qui revient, c'est vraiment ouais, voilà, c'est super en plus. Donc voilà. Du coup, on va essayer de peut-être un peu plus structurer parce que ouais, j'ai commencé à parler de Thor, etc. Toi, Quentin, dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Je dirais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Maintenant, il y a bien des défauts. Alors que c'est vrai que Infinity War en tant que film, pas là, on parle pas du fanboy qui kiffe et ça. Je trouvais ça beaucoup mieux structuré, beaucoup plus. Et vers un début et une fin, c'était voilà, on avait clairement le point de vue d'un méchant. En fait, c'était on peut comparer au Joker de The Dark Knight quand Thanos dans ce film-là, c'est vraiment. Il joue avec les personnages, enfin les comme des marionnettes autour de lui, et je trouve ça génial. Ouais. J'ai adoré ce vraiment voir le point de vue. Alors que là, justement, d'ailleurs, même dans Endgame, ce qui est fait de Thanos, c'est voilà quoi. Je sais pas trop, c'est terrible. D'ailleurs, Thor qui décapite à la 15e minute. Ouais, c'était très, ouais. Ça a créé un sentiment de surprise général. Dans la salle, on était tous si, on s'est dit pourquoi. Ouais. Pourquoi. Ouais, c'est un peu cringe, c'était bon. Mais après, c'était c'est surprenant, mais finalement, c'est un choix logique aussi. Il avait accompli son truc, donc bon. De toute façon, c'est logique, mais est-ce que c'était ça juste, bien c'était juste de la vengeance. Ils auraient rien pu changer de toute façon. C'est clair. Puis même, c'est aussi enlever le show que enlever. C'était pas l'enjeu du film de toute façon. Non, c'est clair. Ah non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais après, oui, par exemple, il y a même juste dans le personnage de Nebula, en fait. Enfin, c'est pas ça que j'adore. Je trouve qu'il y a tellement la demi-sorte de Gamora. Par contre, elle fait vraiment tout le temps la gueule. Hein. Elle fait toute la gueule, mais j'ai trouvé génial. C'est une film de bloc, tout caractère et tout. Je trouve ça vraiment génial. Ouais, c'est vraiment top. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on lui a enlevé le fait d'être la main qui allait tuer Thanos, en fait. Enfin, j'aurais aimé que ça vienne d'elle parce que c'était tellement le personnage qui m'a le plus chié avec ce bad guy, c'était vraiment elle qui méritait, je pense, d'en venir à bout. Et là, qui part comme ça avec les autres, je trouvais que c'était mort un peu facile, en fait. À la fin, à la poussière, voilà, je trouvais ça, à la boule de mort un peu. Oui. Un peu... Bon, voilà. Mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé le combat final, génial. J'ai tiré ma larme pour Tony. Et non, ça atteint son but, quoi. Maintenant, ok. Je reste mitigé sur certaines choses comme la voilà. Je trouve qu'il y a une heure en fait de trop peut-être. Enfin, je sais pas. Après c'est nécessaire, mais il y a quand même des clôtements un peu tous les trucs avec Thor un peu dépressif. Oui, qui voit sa mère, etc. Ouais, c'est clair. J'ai pas été convaincu par tout ça. Ouais. Je vois. Je me serais peut-être justement plus concentré sur d'autres aspects du film comme Black Widow, enfin tous ces trucs-là qui étaient complètement passés à la trappe. Enfin, c'est tout dommage. Ouais. Ou voir ouais, tout, ou voir aussi peut-être plus appuyer aussi sur le côté un peu The Leftovers en fait, quand il y a la moitié de la population qui est. Je trouve que ça aussi, ça allait un peu vite. En fait, c'est un aspect qui m'intéressait d'ailleurs dans ce film. D'ailleurs, Thor coupe la tête et hop, 5 ans plus tard quoi. Oui, puis, le coup que ce soit un rat qui permette à Ant-Man de sortir de la camionnette. Enfin, Est-ce qu'alors tout le monde parle de ce rat et en fait, moi je me rappelle plus du tout de la scène. Non, mais je trouve ça quand même dingue, ce pirouette comme ça. Ouais. En fait, ils sont dans une case de voiture et c'est un rat qui active l'appareil qui fait revenir Ant-Man. Quoi. Je trouve ça grave, en fait. Je trouve ça un petit peu... Là, je ne me rappelais plus de ça du tout. Hein. Et j'ai adoré Ant-Man dans ce film, d'ailleurs. Comment ? Je trouve que enfin le personnage... Ouais. Ouais, Paul Rudd est super. Oui. Le personnage, au moins, déjà, je fais partie des rares qui ont adoré Ant-Man et la Guêpe, vraiment. Oui, il était vraiment dans l'émission. J'ai adoré Ant-Man et la Guêpe. Et là, j'espérais vraiment que le personnage, on lui rende un peu plus hommage. Et je trouve que dans ce film-là, voilà, il existe enfin, il a une vraie utilité, quoi. Ok, ouais. Du coup, Quentin, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, un dernier truc, oui. Hulk, par contre, mais Hulk, oh là là, quelle horreur. C'est trop bien, quoi. Il fait un dab. Oh non, c'est pas possible. C'est genre de truc qui aurait pu être coupé, quoi. Genre, c'est... Ah, c'est trop bien. Professeur Hulk, mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai que Hulk, il est un peu... c'est un peu dommage. C'est dommage. Mais pourtant c'était intéressant le fait qu'il se soit trouvé entre Hulk et c'est un peu traité par dessus la jambe. Oui, pour avoir, enfin moi je l'ai pas vraiment revu, mais on a repassé Ragnarok à la maison et du coup j'en ai revu des bribes et c'est vrai que C'est vrai que du coup, ça fait vraiment écho au personnage de Hulk dans Endgame, ah oui finalement. Ouais. Enfin, dans Endgame et Infinity War. J'avais conscience de ça. Peut-être que si j'ai le revu. Je trouve que les deux sont... Enfin, le traitement sur le personnage fonctionne bien, en fait, depuis Ragnarok. Ouais, où il y a cette espèce de divorce intérieur entre les deux. Et finalement, d'un film à l'autre, c'est Banner qui prend le dessus, ou alors après c'est Hulk, il arrive plus à... On sent bien que psychologiquement c'est compliqué. Ouais. Mais c'est bien, déjà, ils nous ont pas refait le coup du... Le soleil va se coucher, ou du coup... C'est nul. Dans Ragnarok lui-même, avec Ragnarok d'ailleurs, parce qu'il le tournait... Oui, mais dans Ragnarok, il s'amuse de ça. Oui, clairement. Ouais. Ouais, du coup, Quentin, à part ça, c'est... C'est positif. Ok, c'est positif. Ouais. Eddie, pour toi. Un avis plus global, moi j'ai trouvé que... pour le coup, je suis pas d'accord avec Morgan. Je trouve que le film gère bien sa dramaturgie. Notamment les funérailles de Tony Stark. Après, c'est vrai qu'en y repensant, ça fait vraiment... Oui, parce que du coup, on se dit Black Widow, finalement, elle s'est sacrifiée un peu pour tout le monde, et puis on n'évoque pas plus que ça. On sent bien que voilà, ça les touche, mais il y a pas de... C'est vrai qu'on lui fait pas forcément d'honneur, en fait, à la fin. On sent vraiment plus que les funérailles d'Iron Man, c'est vraiment aussi pour faire écho. C'est le premier héros qu'on a vu en 2008, quoi. Mmh. Oui, c'est donc, ça. Donc, disons que c'est un peu pour ça. Mais bon, après, ça fonctionne aussi. De toute façon, c'est un film dont tu peux pas faire abstraction du fan service non plus, je pense. Pour le coup, ça fait partie intégrante du scénario. Ouais. Donc, je me dis qu'en même temps, il y aurait pas eu de dommage comme ça à Iron Man, j'aurais trouvé que ça manquait. Donc, ça contrebalance, en fait. Oui, c'est comme à la fin de Batman v Superman. La mort de Superman aussi, si c'était pas bien traité, je pense que ça aurait manqué au film, quoi. Donc, non, c'est exactement. Oui, c'est vrai. Après, au-delà de ça, j'ai trouvé que tout le monde existait, donc ça c'est bien. Oui. Parce que c'est pas évident dans ce genre de gros film comme ça. Bon, avec ils avaient la moitié partout. Des personnages qui manquaient aussi pendant tout. Enfin, Captain Marvel aussi. Ouais, mais je veux dire, même à. Même à la fin, elle servait à rien. Tout le monde revient, c'est pas. Enfin, ça fonctionne, quoi. Ouais. Y a pas de... Non, après, la scène un peu forcée, c'est la scène féministe. Qui était là, clairement. Alors, même si c'est cool, hein. Ouais, non, mais en fait, on va le pas. Plan est super le bien. Plan voilà, est c'est des héroïnes comme ça, mais. On critique pas le fait. Enfin, le message derrière, c'est. Tu précises au cas où. Non, mais je préfère préciser, tu sais, en 3 ans, ça a changé. Les temps ne sont plus les mêmes, c'est. Non, mais voilà, mais en plus on est 4 gars autour d'un micro, donc voilà, je préfère annoncer ça, mais c'est vrai que ça fait vraiment penser qu'au niveau du champ de bataille, c'est pas très logique que d'un coup toutes les femmes se rassemblent pour aller aider, alors qu'elles auraient pu faire autre chose en attendant, et le fait. Elles auraient pu faire la cuisine par exemple. Non mais ils auraient pu faire la cuisine en attendant, voilà. Le fait aussi que on les voit pas trop en dehors de cette scène, quoi. On les voit pas se battre aux côtés alors des hommes. Alors justement, j'ai trouvé que elles existaient déjà, il y avait pas forcément besoin. Voilà, de... c'est ça. On est-ce les que j'ai autant que non, on savait c'était... qu'elles avaient autant un rôle à jouer que les autres, quoi. C'est pour faire plaisir alors, à Twitter. J'ai une précision. Moi, je partais du principe, dans les Avengers, il y avait aussi, il y avait des heals et il y avait des elles. Voilà, ouais, et ils se battent ensemble, côte à côte, et pas l'un va d'un côté, l'autre va de l'autre côté. C'est ça. D'ailleurs, ils parlent pas dans le film. Leur force est d'être unique, donc. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'ils parlent aussi sur les personnages féminins, d'ailleurs, enfin une équipe de femmes. Voilà, justement. Ça n'a pas de sens, justement, je trouve. J'ai une précision par rapport à cette scène, parce que cette scène, j'en ai discuté avec Océane, qu'on connaît bien, que j'ai rencontré le lendemain de la projection, quand je suis allé à la VP du film avec Charlize Theron. Et je lui ai parlé de cette scène-là, puisque j'ai pensé à elle. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était une scène tirée d'un comics, en fait. Hein, et qu'ils veulent, ils avaient pour projet d'adapter cette partie du comics au cinéma. Donc, et au début, j'étais surpris de sa réponse, parce que je lui dis « Ah, moi, j'ai cru que c'était un hommage féministe dans l'air du temps. » Elle m'a dit un petit peu, mais c'est avant tout, un truc tiré d'un comics. Voilà, c'est... Oui, mais je veux dire, c'est bien pratique, quoi. Oui, voilà. Oui, ouais. Même si, la scène dure 5 minutes, on va pas. J'ai aimé la scène quand même. Hein. J'ai adoré la scène. La scène, elle est belle, elle est bien filmée, etc. Et puis, le petit truc qui protège Peter en mode le petit bébé, c'est son bien. Bah ouais, voilà. Bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Faut protéger sa gueule d'ange. Ouais, pour ne pas régler. L'interaction entre Captain Marvel et Peter, je trouvais ça grave mignon et tout, mais après, c'est vrai que c'est pas non plus. L'intérêt logique, en soi, était pas. Captain Marvel, justement, parlons-en. Bon, on la voit voilà. Au début, à la fin. Elle est là. Elle est là, mais alors moi je pensais qu'elle aurait quand même un rôle plus crucial que oui. Ça. Alors c'est vrai qu'elle arrive à immobiliser Thanos au début. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Il y avait la scène pas générique aussi de Infinity War qui aurait pu laisser penser qu'elle était un peu la clé, la clé de tout ça, quoi. Et là, du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de sens. Oui, elle était annoncée dans Infinity War, c'est la première référence qu'on avait dans le Marvel Cinematic Universe à Captain Marvel. Mm-hmm. Et du coup, après, on a eu son film solo que Morgan a adoré. c'est pour moi le pire Marvel que j'ai. En voyant justement, et quand tu la vois dans son film solo où qu'elle défonce des vaisseaux spatiaux, machin. Ouais. Tu dis elle va foutre le bordel aussi dans Endgame, quoi. Thanos va s'en prendre plein la tronche, et en fait non, pas du tout. Ah, bon, je pense que si ça avait été elle qui aurait achevé Thanos, il y aurait encore tous les gens qui auraient gueulé comme quoi la dernière. Mais sans parler d'achever Thanos, mais il aurait fallu qu'on lui voit lui porter des coups quand même assez forts, quoi. Voilà, c'est ce qu'on attendait un peu de sa présence dans Endgame. Après, quand même, c'est quand même elle qui a mis en foutre la flotte spatiale. Enfin, elle arrive sur le vaisseau et en mode Deus Ex Machina et ça arrive. Oui, elle travaille plus en coulisses, quoi. C'est un peu pas. Ce qui, en quelque part, ça donne un aura au personnage assez. Oui, et bon, Captain Marvel, de toute façon, il faut qu'on la voit se développer ultérieurement, pense. Ouais. Oui, et puis en plus, elle dit que c'est pas que la Terre qui a été touchée pendant que quand Thanos a claqué les doigts. Oui, donc ça c'est bien, par contre. Voilà. Mais bon, le ça problème, c'est de rappeler quand même tous les enjeux du plan de Thanos. Mais c'est vrai que revoir des planètes comme, alors je sais plus, la planète principale là dans les Gardiens de la Galaxie où il y a Glenn Close. C'est vrai que ça aurait pu être des petits clins d'œil intéressants à montrer, quitte à faire un film long, de toute façon autant y aller à fond, quoi. Non, mais puis même ça prendrait quoi, 10 minutes dans le film, c'est pas non plus J'aurais préféré voir Captain Marvel et ses missions à travers l'espace que Thanos, enfin que Hulk en train de gaver dans un café, enfin, c'est vrai que ça... Oui, voilà. Ou même si tu veux le jouer même si vous voulez jouer sur l'humour, c'était, je sais pas, montrer Jeff Goldblum qui finalement a pu s'en garder du corps, parce que 55 ans. T'aurais bien aimé revoir Jeff Goldblum. Oui, voilà, aussi, effectivement. Ouais, il était tellement bien. Ah oui, c'était drôle, ça part. Grand Master, il était bien. Ouais, non, mais ce Thor, c'est un des meilleurs Marvel, de toute façon, je trouve. Enfin, à mon avis. Eddie, toi, tu as plutôt apprécié, du coup. J'ai bien aimé. Après, ça reste du Marvel, quoi. En termes de mise en scène, c'est les Russo. Révolutionnaire, mais on sait ce qu'ils font, mais après, c'est divertissant. C'est efficace. Voilà, c'est ça. C'est très efficace. Le scénario, moi, ça m'a tenu quand même. C'est pas hyper... Je sais pas si c'est un deuxième visionnage, Quentin, toi tu l'as vu deux fois. C'est vrai que j'étais assez euphorique après le premier visionnage, parce que voilà, c'est le premier visionnage, on découvre le truc. Oui, au deuxième, ça passe moins qu'en Infinity War, pour regarder plus facilement. Ah, d'accord. Parce que Endgame. Parce que moi, ça avait été l'effet inverse sur Infinity War, justement. Endgame, j'ai trouvé ça. C'était l'inverse. Je trouvais ça plutôt lourd, en fait, au deuxième visionnage. Comme un gros gâteau au début. Enfin, je sais pas. D'accord. Après, tout le passage sur les 5 ans, on voit que tout le monde, ça les a marqués. Je trouve que ça fonctionne bien aussi. La relation, un truc qui fonctionne bien, et pourtant, ça arrive vraiment que dans ce film-là, c'est Tony Stark et sa fille. Ouais. Mm. Et pourtant, ils sont obligés de mettre ça en place très rapidement, et je trouve que c'est assez bien géré. En plus, l'actrice qui joue sa fille, la petite, elle s'en sort bien. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Voilà, après. Moi, à la maison, j'en ai un qui est persuadé d'avoir repéré la relève d'Iron Man dans les funérailles à la fin. Moi, j'y crois pas trop. Quand on voit le gamin de Iron Man 2, Iron Man 3, la gamine. 3, non, le gamin, le gamin, le 3. Le petit de Jurassic World. Ouais. Ah oui, le petit de Insidious. Ouais. Mais, ouais. Et bon, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste un clin d'œil. Moi, je pense que le prochain, ce sera sa fille. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, ils ont casté l'actrice de Certain Reasons Why pour jouer la version adulte. Catherine Langford. Ouais. Voilà. D'accord. Ah, je me suis fait avoir, je l'ai cherché pendant tout le film. Ouais, bon, en fait elle a été coupée au montage. Ouais, mais du coup. Elle faisait sa cassette pour Thanos. je pense que après on entendra quand même parler de. Je sais pas si on verra beaucoup Poppy ou. Poppy, Pepper Pot, qui fait une contraction entre Poppy et Happy. Marie Poppy. Emily Blunt. Non, Poppy, c'est dans quoi Poppy, ça? C'est dans Kingsman, non? Kingsman, le deuxième. Mais par contre, oui, on verra Happy, je pense, dans Spider-Man. Ouais, dans le prochain Spider-Man. Et puis on aura toujours, je pense, des références à Tony Stark aussi via Spider-Man, finalement, vu qu'il y a un lien quand même oui, assez c'est, fort c'est, entre c'est les clair. Deux. Oui, c'est sûr. Et puis bah, tu, un personnage peut pas, un personnage de cette ampleur là peut pas disparaître. C'est un peu comme Sean Bean finalement dans Game of Thrones. Ouais, voilà. Il est oui, décédé. C'est ça, saison 1. Ouais. Saison 1, et finalement son. Son aura continue. Ben, c'est ça. Donc, ouais. Non, c'est ça. Sean Bean meurt dans tous ses films, mais jamais vraiment. Ah oui, il continue. C'est pareil dans Seigneur des Anneaux, il a une place importante, ouais, même dans le 2 et le 3. Donc, c'est vrai. Je pense qu'ils vont faire un peu ça. Tony Stark, on entendra quand même parler. Enfin, bah oui, il y a toujours l'entreprise. Enfin, il y aura toujours des références de toute façon à lui, parce que War Machine, il est tout le temps là aussi. Oui, voilà. Il y a Don Cheadle, j'allais dire. Oui, c'est de War Machine. Ouais, j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Ouais. Il y a le Iron Man féminin là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est sa femme, non? C'est Pepper. Ah oui, voilà. Je suis désolé, je suis complètement à côté. Après, je vois pas Pepper reprendre le truc. En plus, je pense que même pas le 3 avait envie de finir là. C'était le dernier pour Endgame. Faut aussi que ça soit le dernier pour certains. Et aussi, on n'a pas parlé encore de Captain America, alors que oui, c'est aussi important. Faucon, il est chiant. Hein. C'est pas un personnage intéressant, je trouve. Donc, se dire que c'est lui qui reprend le flambeau de Captain America. J'ai été me renseigner, j'ai été voir sur. Oui, c'est dans les comics. Sur Wikipédia, c'était l'évolution de ce personnage dans les comics et tout. Et apparemment, oui, en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il va avoir une série sur lui et Bucky, il me semble. Sur Disney+. Ouais, Disney+. C'est ça, pour donner envie d'acheter la bonne. Donc, ça, c'est ce qui va être un peu chiant, parce qu'à mon avis, les séries qu'on aura sur Disney+, du coup, il faudra les voir un peu pour comprendre ce qui va se passer. Contrairement au à celles qui étaient sur Netflix où tu n'étais pas obligé de les voir. Ouais, c'était un peu. Donc, ça fait chier. Moi personnellement j'ai versé ma larmichette à la fin de quand ils dansent sur du jazz dans les c'était beau, mais voilà, oui. Mais ça c'est parce que c'est mon côté romantique c'est le jazz quoi. Voilà. j'ai trouvé la fin de Steve Rogers très bien. Moi j'ai beaucoup le fait qu'il reste dans le passé et qu'il vive sa vie tranquillement. Donc en fait l'explication c'est que dans le champ quantique lui il fait le choix de ne pas revenir, de vivre sa vie. C'est ça. Je trouve ça très bien. Non, ça c'est bien. C'est bien que. Puis ça paraît logique. Là, il y a une vraie. La conclusion de certains personnages fonctionne bien quand même, je trouve. Ouais. Que Tony Stark meurt en héros, ça paraissait logique aussi. Thanos, moi ça m'a pas choqué plus que ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Voldemort. Ouais. Mais désolé Axel, toi qui n'as pas encore vu. C'est pas grave. mais bon, on se doute. Ouais, non, mais de toute façon, je sais très bien. Quand même. mais après, voilà, je pense que ça reste quand même un méchant emblématique et qui est vraiment intéressant, notamment par ses motivations qui sont pas. Enfin, il est pas juste bête et méchant, Thanos. C'est ça qui est bien. Il a un vrai. Il a un vrai but, quoi. Ouais. Il a des ambitions dégueulasses, mais qui sont logiques aussi pour lui. Oui. Donc, il est sûr de faire le bien, en fait. C'est ça qu'il rend fascinant, en fait. Mais c'est pas le méchant bateau. Il va pas tuer gratuitement, en fait. Donc ça qui est aussi. C'est ça. Le truc à la momie, genre Imhotep qui revient, bah oui, on va détruire le monde, quoi. C'est basique, quoi. Steppenwolf dans Justice League, par exemple, pour fâcher sur la concurrence. Non, mais déjà, tu t'arrivais à te souvenir du nom du méchant dans Justice League, déjà, je te l'applaudis personnellement, parce que, voilà. mais c'est vrai que Thanos, c'est un des méchants, c'est même avec Loki, je pense, les deux méchants les plus intéressants de l'univers Marvel, parce que les autres... Personnellement, pour m'en souvenir, à part celui des Gardiens de la Galaxie 2, pardon, qui était intéressant aussi, je trouve. J'en ai un que j'adore. J'avais été plutôt convaincu par Kate Blanchett dans Ragnarok aussi. Je trouvais qu'elle était. Ah, pas du tout. Ouais, mais son personnage était plus bateau quand même. Ouais, elle était vite éclipsée aussi. Un peu invisible dans le film aussi, je trouve. On la voyait pas. C'est Kate Blanchett, quoi. Ouais, voilà. Ah, pour l'avoir revu, j'aime beaucoup le personnage de Michael Keaton dans Homecoming. Après, est-ce que c'est parce que c'est Keaton? Mais la scène. Michael B. Jordan dans Black Panther. Lui, c'était pas qu'il était carrément. Enfin, lui, c'est qu'il était sexy. Donc, du coup, je me suis un peu fait avoir. Mais Michael Keaton. Mais c'est vrai que oui, je suis assez d'accord sur Michael Keaton aussi, oui. Le vautour, là, dans Homecoming, effectivement, il a pas des motivations débiles, quoi. Il le fait. Les motivations. Mais comme la plupart des méchants dans Spider-Man, finalement, j'ai l'impression que les méchants de Spider-Man, c'est pas des méchants. Parce que Octopus, finalement, c'est mon préféré. Finalement, de tous. C'est qui vit très mal son deuil. Voilà, c'est ça, résume. Finalement, il a raison. Et le bouffon vert, c'est l'ambition. C'est, L'homme sable. Et pareil, c'est, justement, c'est quand, parce que quand tu regardes New Generation, là, le Spider-Man animé, que j'ai vu, du coup. Et que j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai que. Comment il s'appelle le gros bonhomme là Le Caïd. Ouais, le Caïd, ouais. Ouais, bah c'est pareil, je trouve que c'est un méchant qui a des motivations intéressantes. Mm-hmm. Ouais. Ça se rapproche un peu d'Octopus, mais. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir. C'est plus sur l'affectif, quoi. Ouais. J'aimerais beaucoup voir Miles Morales dans l'univers du MCU. Enfin, Ça va être le. Je pense que ce serait possible avec Far From Home qui arrive, là, ils sont en train de. Parler du multiverse, d'ouvrir. C'est vrai que c'est possible. Mais moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on continue à faire des films dans la même tranche que New Generation. Ouais. Parce que je trouve ça. Enfin, moi, c'est magnifique. C'est mon film préféré de l'année dernière, pour dire. Et je m'y attendais. Enfin, voilà, c'était tellement bien. Mais justement, je trouve que, en fait, en voyant ce film, je me disais, mais les Marvel, MCU à côté, c'est pas du tout le même type d'ambition, je trouve. Après, c'est un film d'animation, les autres, c'est des films live, donc on peut pas vraiment comparer. Mais voilà, moi, j'aimerais bien qu'on voit plus ce genre de film, d'initiative, en fait, de la part de Marvel. Et voilà, donc ce serait cool. Bah, dans les bandes annonces du prochain Spider-Man. Avec Tom Holland, du coup, il y a une évocation justement d'un multivers. Ouais, et déjà, il y avait déjà un multiverse dans New Generation, hein. c'est le but du film. Mais, pas mélangé avec le MCU, bien sûr, oui, c'est ça. C'est dans son propre univers. Déjà, le fait qu'on s'éloigne de New York. Dans le prochain Spider-Man, je trouve ça très intéressant. Et voilà, ça apporte quelque chose de neuf. Oui, mais j'ai hâte de voir ça à Venise, à Londres et tout. Ça va être cool. Ouais, non, ça voilà. S'il y a un scénario qui va bien avec, ça pourrait être très bien. Là, c'est pareil. Encore une fois, a priori, le méchant du film, c'est encore un méchant assez ambigu. Donc, Mysterio, a priori, c'est quand même pas. Un coup, il lui file un coup de main. Le lendemain, il lui a fait à l'envers, quoi. Donc, c'est pas. Puis bon, c'est Jack Gyllenhaal en plus. Oui, c'est ça. Mais non, ils ont pas pris n'importe qui. C'est sûr. Du coup, Morgan, on t'a pas trop entendu parler et tu avais dit que le film t'a déçu. Enfin, ne t'a pas plu déçu. Au moins. Déçu. Tu peux expliquer pourquoi ? Oui, mais c'est parce qu'il a pas de goût, c'est tout. Fais gaffe, je peux te spoiler Game of Thrones là. Tu te tais. Je te jure, tu fais un truc comme ça. Je vais te faire un dracarys. C'est fini. Hein. Alors déjà, je trouve que 3 heures, c'est trop long, clairement. En termes de rythme, je me suis. Mais la première heure, ça a été très laborieux. La deuxième heure, ça passait un petit peu mieux, mais j'y ai vu un espèce de remplissage pas foncièrement désagréable, mais un petit peu facile quand même. L'idée de repartir dans les films et tout, au bout d'un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir qu'ils proposent autre chose. Et au moment où ça s'est arrêté, je me suis pas dit, tiens, c'était mauvais. Je me suis dit, c'était sympa, mais c'est bien quand ça s'arrête. À la fin, bon, la scène de bataille finale qui est très bien, mais... C'est un peu comme le final d'Harry Potter, c'est-à-dire c'est très bien, mais j'avais encore un peu faim à la fin. C'est-à-dire que... Oh non. J'ai pas trouvé ça. Et je vais même... Attends, et là, Edith, ça va y faire plaisir, parce que je suis allé le voir... Surtout pour Harry Potter, je veux dire. Oui. Je suis allé le voir en compagnie d'un. Oui, il était temps, parce que j'en pouvais plus. Je pense que le siège, il y a encore les marques de mes mains dessus. Tellement j'étais à cran. C'était pas comme ça devant Avengers, mais quand même... Par rapport même à ce que j'attends d'un final, j'ai l'impression que ça n'a pas été aussi loin dans le côté épique de la chose. Il y a des moments badass, effectivement, il y a des moments où la salle applaudissait et tout, c'était top. Hein, Après, j'ai vraiment pas vibré, mais c'est pas vraiment ce que j'attends d'un final, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont déçu. Déjà, les personnages, je trouve que la promesse de faire tenir tous ses égaux dans un seul et même film, malheureusement il y a quand même des personnages qui sont mis de côté, des personnages que j'aurais préféré voir un peu plus que d'autres, des personnages que je trouve totalement effacés, et du coup je me suis dit merde, ils ont pas réussi. Thanos, c'est pareil, j'ai trouvé intelligent, complexe dans Infinity War, là pour moi c'est un figurant dans celui-là, même si je trouve que le dernier plan de Thanos est profondément génial. La mort de Thanos, le dernier plan, parce que dans ce genre de film, on s'attend effectivement à ce que le méchant meure dans d'atroces souffrances. Et là, c'est une mort tout en sobriété. C'est Thanos qui s'assoit et qui attend la mort et il accepte d'avoir perdu. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Mais c'est des petits trucs. Je me suis dit, merde, c'est 4 ou 5 petites choses qui m'ont plu dans un film de 3 heures. Et franchement, j'ai trouvé ça assez interminable. Et par rapport aux promesses que le film m'avait faites, j'ai pas trouvé qu'il les avait toutes tenues. Donc c'est au mieux, c'est sympathique, mais au pire, c'est profondément chiant, quoi. Enfin, vraiment, par rapport à Infinity War, je trouvais qu'on régressait sévèrement, alors que je m'attendais, parce que moi, les films en deux parties, je me méfie énormément. En général, les premières parties, c'est un peu ouf. Et c'est à la fin que... en fait, j'ai trouvé qu'il y avait plus de matière dans Infinity War que dans Endgame. Dans Endgame, il fallait conclure des choses... Alors après, voilà, comme je dis, il y a des moments où ça marche. Quand on voit tout le monde revenir, effectivement, il y a le petit frisson. Mais alors, est-ce qu'il y a eu de l'émotion? Je peux vous assurer que non. La mort d'Iron Man, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ou alors c'est que tu n'étais pas attaché au personnage, je ne sais pas. Mais Déjà aussi, parce que je ne suis pas attaché à Marvel, tout ça. Et Iron Man, c'est vrai que c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup. Mais aussi parce que je m'y attendais. J'avais fait un peu mes pronostics avec mon pote. J'ai fait, on parie combien que Iron Man il meurt à la fin. Il m'a dit, je m'y attends un petit peu, tu verras. Et comme la scène est arrivée, je fais, voilà quoi. Au final, la prise de risque, faire mourir Iron Man, et là, je vais aller vers la concurrence. Je trouve que The Dark Knight Rises, le final était beaucoup plus couillu que ça, quoi. On peut parler de concurrence. Parce que c'est pas le DCU. Je trouvais que il y a tellement de trucs qui m'ont frustré dans ce film. Je te rejoins quand même un peu là-dessus. Moi personnellement, je savais que Iron Man allait mourir. Je m'en doutais, mais après, parce que j'avais pas lu les comics ni rien, donc je me suis dit, Endgame, faut marquer le coup, Tony Stark, machin. Ils vont le faire mourir, en plus, ils vont le faire mourir en héros. Le contrat de Robert Downey Jr. arrive à la fin, donc voilà. Ouais, donc ça, voilà. Ça aurait pu être Captain America aussi, je pense. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sur les six originaux, il y avait toujours ce petit suspense, quoi. Il y a trop de trucs qui m'ont déplu, trop de trucs qui m'ont frustré, trop de trucs qui m'ont ennuyé, et je suis pas sorti de là en me disant, mon Dieu, je me suis dit, non, c'est terminé, maintenant j'attends Spider-Man 2, parce que je me souviens plus du titre. Je sais plus le... Far From Home. Ouais, voilà. Far From Home, c'est ça. Ouais, donc voilà, t'attends plus celui-ci que... ouais. Ah, mais largement, largement. Parce que, voilà, je suis curieux aussi de voir comment ils vont gérer l'après. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Hein. Ouais. C'est qu'on clôt un arc narratif, mais c'est pas pour autant que ça s'arrête là. Il y aura toujours des répercussions sur l'après. Mais c'est ça. À mon avis, la mort de Iron Man... Bon, après, toi, ça t'a pas ému. Moi, ça m'a ému. Mais je pense que... elle va aussi avoir du sens pour la suite, en fait. Pour non, puis même... Pas forcément dans toutes les prochaines phases du MCU. Parce qu'au final, ça va s'estomper. Puis combien ils vont en faire de phases ? Parce que c'est pareil, hein, oui, jour au lendemain, voilà, les gens, qu'est-ce qui dit que la phase 4 va si bien marcher que ça maintenant que certains personnages ne reviennent pas ? Ça marchera. Les gens, c'est toujours. Parce qu'ils suivaient une histoire depuis 10 ans aussi. Hein. Oui, mais ça marchera toujours. Ça va jamais. Non, ça marchera toujours. Mais d'ailleurs, c'est surtout. Et justement, t'as souligné un truc en termes d'émotion. C'est vrai que j'ai rien ressenti. Et encore pour comparer, j'ai quand même dit. Et là, j'ai osé le dire sur Twitter, on m'a lynché. Je me suis dit, j'ai quand même préféré X-Men Apocalypse à ça, quoi. J'ai été plus ému devant X-Men Apocalypse que devant ça. Je ne comprends pas. Oui, parce que peut-être qu'on est plus attaché au personnage de X-Men. Bien, ou... Bon, et puis après, X-Men Apocalypse, je l'ai vu en meilleure compagnie, quoi, aussi. Oui, bon. Non, mais d'accord, mais oui. Mais c'est vrai que... Oui, en termes d'émotion, c'est vrai que j'ai peut-être ressenti plus de choses. C'est vrai que, par exemple, Logan m'a beaucoup plus ému. Ouais. Ouais. Non, la mort franchement, Logan, ce mot pour cette scène, après avoir ça, je suis vraiment passé à côté de la. Ah ouais, moi j'ai trouvé le film vachement, vachement bien. Ouais, moi aussi. Bah, Logan, c'est pareil, je le mets pas. Puis, évidemment, je l'ai comparé à The Dark Knight Rises parce que voilà, c'est la fin de quelque chose. Mais quand je vois Alfred pleurer sur la tombe de Bruce Wayne, là j'ai les larmes avec lui. Et Dieu sait que le film est imparfait. Hein. Mais là, les funérailles d'Iron Man, non quoi. J'ai trouvé ça plutôt bien. Mais après, je pense qu'il faut les prendre aussi pour ce que c'est. On sait dans, enfin. Oui. Non mais bien sûr. On sait ce qu'on va voir quoi. Ouais, on sait ce que c'est Marvel. C'est sous la houlette de Disney hein, malgré tout. On aura beau nous dire ce qu'on veut, voilà. Mais c'est grand spectacle, c'est grand public, c'est bon enfant, c'est conventionnel, mais en même temps. Alors, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on voit ça, donc tu peux pas non plus t'attendre vraiment. Bout de 10 ans, tu peux encore t'attendre à des trucs hyper surprenants de ce côté-là. Sans m'attendre, en tout cas, pour un film qui avait autant de promesses, qui devait boucler quelque chose, même quand tu regardes les bandes-annonces. Pour ce qui est de boucler, moi je trouve que ça boucle hein, quand même. Oui, non, ça boucle, mais en tout cas, je m'attendais quand même à un peu plus de prise de risque quand même, mais ça n'empêche pas quand même d'aimer et d'en détester. Par exemple, je le dis, hein, Captain Marvel, pour moi, c'est le pire film de Marvel que j'ai vu, clairement, et je préfère Thor 2 à côté, d'accord. Mais j'adore le ton léger, encore une fois, de Homecoming, qui est un film formidable sur l'adolescence, tout ça, quoi. Iron Man 3, j'adore, parce qu'il est très couillu, il y a une prise de risque énorme et tout. D'ailleurs, le mandarin, le vrai mandarin, sera là, hein, apparemment, enfin, dans la phase 4, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, oui, ça répond à ta question. Iron Man, le personnage a beau être mort, mais il y a quand même toujours des choses qui vont relier, et ça c'est bien. Mais bah oui. Je sais pas, il y a trop de trucs. Il y a bien quelque chose qu'on peut pas reprocher au MCU de chez. C'est la c'est la cohérence et les. Enfin là pour le coup, ils étaient partis sur une idée, ils s'y sont tenus pendant 10 ans. C'est pas pour critiquer DC Comics, mais bon, c'est quand même pas ce qui se passe chez Warner en ce moment. Hein. Ça, c'est clair. Oui, ça, on peut là, pas trop coup, faire le parallèle, du coup. Oui, bien sûr. Moi, j'aimais bien, et j'ai complètement découragé. J'ai toujours pas vu Aquaman, d'ailleurs, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, si dans un univers partagé, t'as pas un minimum de cohérence et t'as pas une ligne directrice claire... C'est compliqué quoi, et ça c'est vrai que pour le coup Marvel depuis 10 ans on savait très bien que tel film allait nous amener sur tel truc et que et qu'au final pour comprendre tel truc il fallait que t'aies vu tel truc parce que tout était soigneusement relié jusqu'à ces deux épisodes finaux quoi. Non mais même ça sur l'aspect épisode à la manière d'une série télé. Je trouve que c'est super, enfin c'est très bien, j'ai rien à reprocher à ce niveau-là, mais c'est subjectivement, c'est vrai que ça m'a pas porté et la salle vibrait, moi j'étais un peu en dehors. Après peut-être que parce que je suis pas j'ai pas eu l'impression par rapport à Harry Potter où effectivement ça marquait qu'elle c'est pareil. Harry Potter en termes de cohérence, je trouve que c'est pareil, pour moi c'est assez comparable, oui, du coup les deux là. Non, mais je parle vraiment de notre affect envers l'univers. Et c'est vrai que... Ah mais oui, bah, mais ça, c'est différent. Suis... Voilà, ça, c'est très subjectif. Voilà, c'est extrêmement plus, subjectif. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a plus de prise de risque dans un Harry Potter, par exemple. Ah oui, oui. Même si, encore une fois, la fin d'Harry Potter a aussi même, ses problèmes. Même le Hobbit, la bataille des cinq armées, finalement, il y a plus de prise de risque que dans Endgame. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je me suis dit... T'as quand même beaucoup de personnages qui... Enfin, t'as quand même pas beaucoup de sagas qui font... Qui, comme ça, font mourir leurs personnages principaux. J'ai une bonne nouvelle qui va te ravir parce que en sortant de là, je suis allé voir avec Charles, que vous connaissez, et je lui ai dit, putain, en termes de finale... Je vais peut-être quand même me bouger le derrière et je vais regarder le retour du roi parce que j'ai l'impression qu'en termes de finale épique, c'est celui-là qui a... J'arrive même pas à comprendre comment tu peux rester à attendre comme ça. Faudrait que tu revoies les deux premiers avant. Je vais le regarder. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien aussi revoir les autres avant parce que après c'est sûr, il faut le caler. Bah faut les caler quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non mais oui, c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, mais il y a peu de studios honnêtement, il y en a aucun qui ont réussi à tenir leur fil conducteur et leur barque vraiment comme tu disais, Eddie, d'un point A à un point B, ils voulaient aller au point B, ils y sont allés comme ils voulaient. C'est hyper compliqué en plus. Voilà, je vais aller au point Q avec Tom Holland. On parle de combien ? C'est 21 films ? Voilà, et on parle de voilà, ouais, autant que James Bond, pratiquement. Comment ? Autant que James Bond. Pratiquement autant que James Bond. Voilà, oui, oui. Voilà, sauf que James Bond, ça fait 40 ans que ça existe. Et là, ça fait à peine 10 ans. C'est moins relié quand même. Oui, voilà aussi. Oui, il n'y a que les derniers qui sont reliés. Juste en parlant de logistique, quoi. Même juste. Enfin, ça, c'est en dehors des films, mais juste planifier tout ça. Voir que toutes les personnes aillent vers un but précis. Pendant autant d'années qu'ils restent concentrés dessus, c'est quand même quelque chose d'admirable en fait. Même en dehors de tout l'aspect cinématographique du film, ça montre quand même quelque chose et c'est assez impressionnant juste en termes d'effort quoi. Non mais après, comme je suis d'accord vraiment avec vous, hein, mais c'est moi, c'est ma subjectivité qui parle. Non mais après moi je te rejoins sur le fait que je n'ai pas ressenti vraiment beaucoup d'émotions, mais après c'est parce que j'étais personnellement aussi assez détaché de l'univers Marvel récemment. Et puis après la mort d'Iron Man, honnêtement, au moment où c'est arrivé, j'ai trouvé ça un peu ridicule quoi. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais c'est touchant quoi. Oui. Mais moi j'ai trouvé quelque chose d'assez touchant. Après le film, enfin, et ceux qui sont ressortis en larmes, je pense que c'est vraiment les fans hardcore qui idolâtrent déjà les personnages au-delà des comics et tout. Voilà, quoi. C'est ça. Après, moi c'est pas mon cas, mais c'est vrai que c'est ceux qui ont entendu ça toute leur vie, etc. Un Marvel, et puis j'ai plaisir à suivre cet univers quoi, aussi. Partant de là, tu restes pas vraiment. C'est compliqué de rester complètement de marbre aussi. Ouais. Non, mais j'ai le plaisir à suivre l'univers. Après, je vais être très honnête, j'étais aussi extrêmement fatigué parce que je l'ai vu le soir à 23h50. Et à 23h. À 23h50, le 23 au soir. Et je m'étais tapé, tapé 4h. Je m'étais tapé Cyril Hanouna juste avant. Enfin, comment tu veux le voir? Plein de crème ou je sais plus oui, quoi. Oui, plein de chocolat. Et j'étais à la défense. Ouais. Avec un pantalon blanc bardé de chocolat, mais la honte intergalactique. Donc je t'adore Cyril, mais là non, t'as abusé. J'y retournerai. Mais en tout cas non, voilà, il y avait un peu de fatigue aussi, peut-être aussi qui explique que j'ai trouvé un peu le temps long. Après, comme j'ai dit, j'ai pas non plus, j'ai préféré Infinity War. Ouais. Ok. Voilà. Bah, moi personnellement, pour conclure, c'est, enfin, on a à peu près tout dit, je pense, hein, clairement. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est un final satisfaisant. Voilà, j'ai préféré Infinity War. Alors Infinity War, faudrait peut-être que je revoie du coup pour peut-être rebalancer les choses. Mais voilà, en tout cas, à ce moment précis, je préfère Endgame à Infinity War. C'est moi, je aussi... pense aussi quand même. Ouais, toi aussi. Oui, je pense. Ok. Allez, parce que je pars du principe que Infinity War m'avait quand même déçu. Enfin. Ouais. Mais c'est pas que ça m'avait déçu, mais ça m'avait pas emballé. Ça t'avait laissé sur ta fin aussi. Bah c'est ça, voilà. Je me dis bah en fait il y a pas vraiment d'enjeu. C'est sympa, hein, ça se laisse suivre, la bataille Wakanda et tout, elle est chouette quand même. Oui, c'est mais, vrai. Mais il y avait pas vraiment d'enjeu quoi. Alors que là, bon, si bah, moi le film j'étais dedans, j'ai pas trouvé ça long, au contraire. Ouais, c'est pareil. Puis alors c'est très con, mais quand même là, pour 9€ ta place de cinéma, au moins tu y vas pas pour rien. Ouais, c'est vrai. Au moins tu y vas pour quelque chose quoi. Tu vas pas pour regarder trois blagues de merde machin. Ça va au-delà de ça. Et c'est vrai que c'est bête à dire, mais quand tu payes ta place, t'es aussi content d'y aller pour quelque chose. Donc, c'est vrai. Exactement. Le cinéma, c'est aussi une industrie. Donc, oui, bah oui. Non, mais attends. En plus, surtout si t'as payé 9€, t'es 21 places. 30€ les 3 places. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Pour voir tous les films Marvel, et ben du coup, t'es content d'avoir. Non, d'avoir pas tous. Hein. Oui, dernier Ant-Man, j'ai pas. Ouais, non, mais. Moi, j'ai aimé Ant-Man! mais du coup voilà et la musique d'Alan Silvestri franchement toujours très bonne hein. Là il n'y a aucun mauvais point je trouve voilà et ben je pense qu'on a à peu près fini sur ce film Avengers Endgame donnez-nous vos avis dans les commentaires etc. Si vous êtes d'accord avec Morgan, c'est un peu long, c'est un peu là, on se sent un peu moins investi, etc. Ou alors si vous êtes plus d'accord avec les trois autres, qui trouvent ça quand même bien. Voilà. Du coup, on a fini sur Avengers Endgame et on va passer à la minute nerd de Morgan. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui est la Minute Nerd que Morgan nous avait prévu depuis décembre. Ouais. Je sais pas si c'est le même sujet. Non, c'est pas le même. Je pas pense même. Pas. Mais du coup, voilà, je te laisse la parole. De quoi vas-tu nous parler ? Eh ben, je vais parler d'un jeu vidéo, mais que je déconseille très fortement parce que ça a été une grosse attente. Et, Oula. C'est la première fois qu'on fait ça, et vas-y. Hein, vas-y. Bah oui. Donc c'était un événement. C'est un événement qui s'appelle Days Gone, qui est sorti le 26 avril dernier. Ouais. Days Gone. Days Gone. C'est un jeu de zombies sur PS4. Ouais, une exclue PS4 qui promettait un univers de zombies avec un open world. Voilà, c'était. Ah bah, retourne jouer à Assassin's Creed du coup. C'est un jeu. Ah bah non, même pas. Red Dead Redemption 2 Forever, mais. Bah oui. Mais beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses parce que surtout que c'est un jeu qui a été repoussé, donc on. En général, soit ça sent mauvais ou soit ça sent bon. Ah bah là, ça sentait mauvais. Je sais pas comment t'as pu tomber dans le panneau, parce que moi, je le sentais déjà mauvais depuis les annonces. Mais je suis tellement une quiche pour les jeux vidéo, je suis incapable de te dire si ça va être bien ou pas bien. Le côté... Moi, après, c'est encore une fois, subjectivement, j'adore les jeux de zombies. Enfin, le jeu devait me plaire. Aussi, ouais. Et au final, j'ai ressenti... Alors déjà, il y a un gros problème, c'est que le jeu est buggé à mort, mais alors que même les mises à jour ne peuvent même pas corriger ces bugs. C'est horrible. Je traverse des rochers et je me fais repérer par les zombies. Alors, je peux pas me cacher, c'est horrible. Mais comment on a pu sortir un torchon pareil? Oui, c'est assez problématique, effectivement. En termes de scénario, c'est classique. Enfin, il y a rien qui dépasse, tout est attendu. Les personnages sont bidons et même la VF est irritante. Alors, effectivement, il faut y jouer en VO, mais même la VF est tellement caricatural. J'ai eu l'impression de voir une espèce de The Last of Us, qui est magnifique, un des meilleurs jeux de tous les temps. Apparemment, c'est génial. Oui. Sans la profondeur, sans l'aspect angoissant, parce que c'est même pas angoissant, c'est même pas fun. C'est une répétition de missions qui sont mais aussi chiantes que le test, ça va. Pour le coup. C'est interminable. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien. Sur à peu près une trentaine d'heures de jeu, il y a, on va dire, 10 heures de cinématique. Et faut pouvoir se défarcir parce que c'est chiant, mais c'est vraiment chiant. Mais tu finalement, as fini du coup? Je l'ai fini. Je suis à l'eau. Hein. Et je l'ai renvoyé. Mais t'as rushé aussi. T'as pas fait toutes les. Il doit y avoir des trucs annexes, machin. T'as pas fait. Ouais, mais je pense que s'il en a marre. J'ai pas fait les missions secondaires. T'as fait que l'histoire principale. Quoi, j'ai fait que les missions principales, ouais. Et le jeu il est vite reparti à Amazon, qui vont me rembourser d'ailleurs. Hors de question que je garde un torchon pareil. Non, mais et finalement le côté open world, ça devait être sa plus-value. Mais en fait, je me rends compte que même j'oubliais que j'étais dans un open world parce que j'ai eu l'impression de faire les mêmes lieux à chaque fois. On m'envoyait à droite, à gauche, mais alors que dans Red Dead Redemption 2, qui est magnifique, je me perds sur la carte. Que là, je... Voilà. Après, il y a 2-3 trucs sympas. Il y a un côté un petit peu, voilà, c'est fun de prendre une hache, de tuer des zombies et tout. Mais c'est même pas angoissant, c'est même pas émouvant, c'est chiant. C'est pour moi, mais the gros ratage, quoi. C'était une exclu PS4. Ils se sont foirés. N'achetez pas ce jeu, franchement. Non, n'y allez pas. Oh là là. Achetez The Last of Us Remaster sur PS4. Et puis, voilà. Ou attendez The Last of Us 2. Voilà. Ah, ils font un remaster carrément. Ils l'ont fait parce que il était sorti sur PS3 à la base et techniquement c'était vraiment pas pour la PS3 parce que c'était la fin de vie Il était plus sur la next gen déjà, ça ramait pas mal apparemment, enfin voilà, donc oui, Last of Us remaster et puis en attendant le 2 quoi. Voilà. Va jouer à Abzu en attendant. Voilà. D'ailleurs, je l'ai vu qu'il est sorti sur Switch, donc au cas où. Hein. Ah, il est sorti sur Switch. Oh, bah voilà. Ça doit être pas mal. Oui. Donc voilà, au cas où si ça vous intéresse, allez écouter la minute nord de Eddie du mois dernier. Ok, Morgan, voilà. Bon des conseils. Hein. Mais ça sert aussi à ça. Bah oui, non, mais ça sert aussi. Tu préviens le consommateur et c'est très bien de ta part. Mais bien sûr. C'est ça. Voilà, donc la fin de la minute nerd et on va passer tout de suite à la fin du podcast. C'est parti. On est à la fin de ce podcast numéro 50. Vraiment bien. Pas trop long, pas trop court. Juste ce qu'il faut. Donc déjà, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi à ceux qui ont écouté peut-être les 50 émissions. Bon, je pense pas que vous ayez écouté les 50 émissions parce que c'est un peu long. Mais tout le monde peut écouter les 50 émissions. Voilà, oui, de toute façon, elles sont encore disponibles. Hein. Mais voilà, c'est un achievement unlocked. Voilà. Pour parler de Xbox 360. Mais du coup, voilà. Je voudrais remercier aussi Quentin, du coup, d'avoir participé à nouveau après 3 ans. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs et c'était assez cool. Le plaisir était pour moi. Hein. C'était vraiment top de revenir. Et puis, t'es de retour de temps en temps, hein, de toute façon. Voilà. Oui, bien sûr. Et alors qu'on se rassure, depuis 3 ans, il n'a pas regardé que des films de super-héros. Il revient pas que pour parler de films de super-héros. À chaque fois que tu sortais une critique, on en parlait aussi dans le podcast. Moi, je les lis tous. C'est plaisir. J'ai pas entendu ce que ouais, tu as dit. Je les lis toutes ces critiques. C'est vrai, je lis toutes ces critiques. Je le dis pas, mais je les lis. Ok, Quentin de retour dans le podcast. Merci à Eddie et à Morgan de toujours être présent à mes côtés. Ça fait plaisir. Oh bah. Écoute, on fait partie des meubles maintenant. C'est vrai, je t'ai traité de vieux briscard, je m'en excuse. Je vais m'en rappeler, ouais. Oh, ça fait que tu veux. Du coup, voilà. Et puis, on va vous rappeler tous les liens, etc., où vous pouvez nous retrouver. Donc, le podcast Movies Nerd et toutes les émissions qu'on fait, les critiques, c'est sur moviesnerd.net. pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, c'est Movies Nerd sur Facebook et Movies _ Nerd sur Twitter. Vous pouvez retrouver les podcasts sur PodCloud et iTunes et aussi les noter, ce serait sympa, ça nous aiderait à monter dans le classement. Et c'est un clic, donc c'est pas si compliqué que ça. voilà. Et puis vous pouvez nous contacter, contact@moviesnerd.net, voilà, au cas où. On sait jamais. Si vous avez un PC pour Morgane, on est preneur. Je vais faire un Tipeee. Mais... voilà. Si vous voulez lancer une cagnotte ou une pétition, c'est vu ça, que c'est la mode en ce moment. Voilà, c'est ça. pétition pour ramener un PC à Morgane dite de ce nom. Non, mais plutôt que d'offrir un iPad à mon copain, j'aurais dû m'acheter un PC avant. Putain, c'est merde. Non, mais voilà. On trouve quand même des moyens, des systèmes D pour enregistrer malgré tout. Ah ouais, non, mais là, si ce système-là, ça marche, c'est génial. Non, parce oui, que... bah... deux téléphones, je suis alors, sur un lit. J'ai envie de te dire, il y a intérêt que ça ait marché. Hein. Oui, ouais, j'espère aussi. Sinon, clairement. Ouais, non, je sais pas si on le refera. Tu vas recevoir des paquets piégés chez toi. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais je pense que ça a fonctionné. Voilà, moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Movies Nerd, Twitter, Sens Critique, Instagram. On sait jamais. The Lexal, THELEXAL. Voilà. Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur Movies Nerd, Sens Critique aussi. Donc, Serious Life 23, c'est ça. Ouais. Et du coup. Ok, ouais. Très bien. Et de toute façon, tous les liens seront. Faut que je retrouve les liens d'ailleurs d'il y a 3 ans. Hein. C'est pas grave. Ouais. Voilà, c'est le podcast des gardiens de la galaxie. Puis voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Eddie. Sur Movies Nerd, sur Sens Critique, sur Twitter, Eastark, et puis sur Steam, sur Origin, oui, c'est vrai. Et vu que ma vie sociale est définitivement en phase terminale, sur Uplay aussi. Exactement. Non, j'ai eu peur de ce que voilà. J'ai eu peur sur Assassin's Creed. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, je ne sais pas, et c'est pas fini. Non. Hein. Oui. Non, mais j'imagine. Et Morgane, du coup. Moi sur Grindr, sur Levo, sur Adopte un mec. Ah non, pardon, sur Grindr, moi je me non, mais je te rappelle qu'il y a un copain. D'ailleurs, Antoine, salut si on peut. Tu as toute notre sympathie, Antoine. Voilà. On t'envoie toutes nos pensées de courage. Voilà, c'est ça. Non, mais lui je le boude parce qu'à cause de lui, j'ai pas pu aller voir le Almodovar. Il a vu la... Je voulais l'emmener voir le Almodovar, il a pas voulu, il a dit ça a l'air chiant. Donc je pense que je vais changer de copain. Voilà, non, je fais un appel. Sinon on peut me retrouver sur Twitter @CineMorgan, c'est ça. Ouais. Sens Critique, je vais m'en refaire un. J'ai envie de revenir sur Sens Critique. Est-ce que cette promesse sera tenue? Bien sûr, ce week-end. On a retenu ça et c'est noté à 19h35 Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et un nouveau profil Sens Critique. Mon copain ne veut pas non plus voir Le Seigneur des Anneaux. Je lui ai dit au téléphone, tu veux le voir? Il a dit non, ça m'intéresse pas, ça a l'air chiant. Donc voilà. Tu peux gagner des trucs sur ton compas, mais sinon c'est... Après, il rame, il est à la maison, voilà. Enfin, pas obligé de tout faire ensemble non plus. Hein. Ah, ça dépend quoi. Bref. Twitter, cinéma. Tu vas faire un nouveau profil, donc si tu fait, tu me l'envoies, sinon ce sera dit le mois prochain. Je le balancerai. Voilà, c'est ça. Tu balances. Et c'est tout, du coup. Ouais, c'est tout. C'est tout, ok. Oui, non, mais c'est bien. Pas non plus ma voilà. Sur tout, non donc, plus. Hein. Donc, on vous remercie encore grandement d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous très prochainement pour le podcast numéro 51 dédié au film de mai. Et d'ailleurs, j'ai ma carte UGC illimitée. Et je vais pouvoir voir plein de films. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé, donc c'est cool. Voilà. Et je suis très content. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Et mon cinéma a été racheté par un UGC, donc voilà. Donc je suis très content. Voilà. Je voulais juste dire ça à la fin. C'est bien. Super. Rassure-moi, voilà. Axel. Tu vas aller voir Rocketman. Oui, je vais aller voir Rocketman. Et demain, je vais aller voir The Dead Don't Die. Et je veux aller voir le... Enfin, qui n'est pas terrible du tout d'ailleurs. Maintenant que j'ai la carte, j'essaie de la rentabiliser. Hein. Il faut la rentabiliser. Ouais. Et ouais. Je veux aller voir le Almodovar aussi de toute façon. Et John Wick. Ouais, bien. Voilà. On vous dit à la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut. À bientôt.